Reaching the airport, they tied me up immediately, tied my legs, tied my hands, doubled once, and they kept me in a cell, an isolated cell, from 7 o'clock till about 10:30. 8 men gathered around me, 2 Sabina security guards and 6 police officers. I started to shout and cry. The 2 Sabina guards were violent. They pushed all over my body. One of them pressed my mouth with a pillow. I almost suffocated. Septembre 1998. Sixième tentative d'expulsion. Pendant de longues minutes, les gendarmes filment. Dans l'avion, elle, assise, chantonne quelque chose. Stop. 29 minutes et 26 secondes. Dani, tu serres bien fort, hein? Stop. 31 minutes et 17 secondes. Allez, ça va marcher cette fois. Stop. 33 minutes et 39 secondes. Dis Dani, il ne faut pas non plus qu'on nous remarque trop. C'est bon, on n'attire pas l'attention des passagers. Stop. 34 minutes et 38 secondes. Johnny, tu la laisses bien respirer? Ne la laisse pas trop comme ça, sinon elle va s'évanouir. Elle doit respirer, n'oublie pas. Stop. Sa tête maintenant écrasée dans un coussin, elle pliée en deux. Ils la tiennent. La maintiennent. Un genou sur son dos. Cela dure encore. Cela dure toujours. Sa tête écrasée dans un coussin, on ne voit pas son visage. On ne voit pas son visage. Cornelis, elle respire très profond et dit, tu filmes tout sans arrêt? Oui, je filme le plus possible. Je vais bientôt devoir changer de cassette. Il me reste 9 minutes. Allez, encore 6, un quart et c'est fini. On y est. Elle est faiblie, Semira. Elle résiste beaucoup moins. Hé! Hé! Tu la laisses bien respirer encore une fois? Oui, laisse-la respirer. Cornelis, elle respire bien. Bon, ok. Elle respire très profond. Très profond. Même trop profond, selon moi. Alors, on essaye encore une fois, tout à l'heure. C'est bon. On n'attire pas trop l'attention des passagers. Quelques-uns voient, mais pour la plupart, on fait écran. People Air, c'est Cornelis, continue de peser sur le dos de Semira. Cette prise porte un nom, c'est le bec de canard. People Air. Hey Paul, tu veux te retirer? On est en train de filmer. On s'aperçoit alors, à la 40e minute 45, que Semira a cessé de respirer, de vivre. Donc voilà tout ça. Assassinat, exactement. Il ne faut pas avoir fait des grandes études de juriste que pour assassinat. Assassinat de Semira, on n'oublie pas. Semira, on n'oublie pas. On ne pardonne pas. Meurdeur, Semira, on n'oublie pas. On ne pardonne pas. Semira, on n'oublie pas. On ne pardonne pas. Semira. Voilà, donc je vais maintenant vous parler un peu de Semira Adamou, revenir un peu sur son histoire, sur son arrivée en Belgique, sur ce qui s'est passé. Donc Semira Adamou est née en 1978 dans l'état du Kaduna, au nord du Nigeria. Et elle arrive en Belgique le 25 mars 1998. Elle a 20 ans. Alors qu'elle transite par l'aéroport de Zaventem pour se rendre à Berlin, elle se fait arrêter. Et à ce moment-là, elle introduit directement une demande d'asile et explique aux agents sa situation. Sa belle-mère, parce que ses parents sont morts, veut la marier de force à un homme de 65 ans. Il a déjà trois femmes et en a tué une d'entre elles. Refusant cet avenir, elle fuit vers le Togo. Mais son prétendant, Albralon, réussit à la ramener plusieurs fois. Et c'est dans ces conditions qu'elle choisit de partir plus loin. Semira arrive alors à Bruxelles et a arrêté et transféré directement au centre fermé de Steenhokkerzee, le 127 bis, qui est situé juste à côté de l'aéroport de Zaventem. Et c'est là qu'elle attend son permis de séjour. Mais sa demande d'asile est déboutée. L'Office des étrangers considère que la Convention de Genève ne couvre pas son cas. Son avocat introduit un recours pour raisons humanitaires, mais celui-ci est aussi refusé par l'Office des étrangers. À la fin du mois de mai 1998, Semira contacte par téléphone un collectif de soutien aux personnes enfermées, le collectif contre les expulsions. Et directement, un comité de soutien se met sur pied et lance une pétition pour sa régularisation. Comme toutes les demandes de visite sont refusées, une relation entre Semira et le collectif va se construire à travers l'usage du téléphone. Et c'est grâce à ses contacts journaliers que Semira va parvenir à faire connaître la réalité des centres fermés, les conditions de détention, la souffrance des détenus, les exactions des gardiens, des gendarmes et de la Sabena. Petit à petit, Semira va devenir le symbole de la résistance à l'intérieur des centres fermés. Mais cette résistance lui coûte cher au quotidien. Brimades, surveillance perpétuelle, écoute téléphonique, privation de visite, de nécessaire de toilette, de téléphone, changement d'aile pour l'isoler et multiples tentatives d'expulsion. Le 21 juillet 1998, alors que c'est la fête nationale ici en Belgique, Semira subit sa quatrième tentative d'expulsion. Et lors de celle-ci, la violence monte, jusqu'au coussin qu'on va lui poser sur le visage afin de l'empêcher de crier. Mais Semira va encore réussir à échapper à cette expulsion. Elle est alors ramenée au centre de Steenhokkerzee et est placée en cellule d'isolement. Le même jour, une évasion de 31 personnes va se faire du centre où elle est enfermée. Et à sa suite, une véritable chasse aux illégaux va se déclencher. Certains évasés vont être rattrapés, tabassés et mis en cellule d'isolement. Et moins d'un mois plus tard, le 11 août 1998, Semira va subir sa cinquième tentative d'expulsion et faire face à des menaces explicites des gendarmes. Mais ces menaces ne vont pas l'empêcher de témoigner dans une émission de grande écoute de la RTBF. Et le lendemain de cette émission, elle va recevoir une notification de prolongation de son maintien en détention, accompagnée d'une note exigeant d'intervenir, entre guillemets, efficacement et rapidement pour l'expulser, et ce, avec l'aide de la gendarmerie. Très inquiète, Semira passe de longues heures au téléphone. Deux fax sont envoyés par le collectif contre les expulsions, à la Sabena et à l'association des pilotes, pour réclamer leur vigilance face à une possible expulsion. Mais malgré cela, le 22 septembre 1998, Semira est emmenée pour sa sixième tentative d'expulsion, lors de laquelle elle sera étouffée par les policiers. Sa mort va susciter une vague d'indignation. Veillée aux bougies, manifestations spontanées, actions radicales sur les centres fermés. Suite à cela, le ministre de l'Intérieur, Louis Tobac, annonce la suspension des rapatriements forcés de réfugiés politiques dont la demande d'asile a été refusée, avant d'être contraint de démissionner deux jours plus tard. Le samedi 26 septembre 1998, 5000 personnes se retrouvent à la cathédrale Saint-Michel de Gudule de Bruxelles pour un hommage citoyen et pluraliste, et près d'une centaine de sans-papiers sont relâchés des centres à ce moment-là. Plusieurs années plus tard, le 19 mars 2002, 18 personnes vont comparaître devant la Chambre du Conseil pour leur participation aux actions du collectif contre les expulsions. Ils sont prévenus de 22 chefs d'accusation. Entrave méchante à la circulation, rébellion, coups et blessures, manifestations en zone neutre, incendie volontaire, aide à évasion, etc. Certains écopent de peine avec sursis et d'autres sont acquittés. Un an plus tard, le 12 décembre 2003, le verdict du procès des gendarmes qui ont assassiné Semira tombe lui aussi. Sursis et acquittement également. des faits qui ont été requalifiés en coups et blessures involontaires, ramène l'assassinat de Semira à un simple accident de la route, comme le déclarait triomphante l'une des avocates des gendarmes. Dans une forme d'équivalence insensée, les gendarmes qui ont tué Semira se retrouvent avec un non-lieu et des acquittements, comme les membres du collectif contre les expulsions. Tout le monde a été renvoyé dos à dos, ce qui permet, in fine, à ne juger personne. Le signal de ce jugement est en effet clair, complet et détaillé. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de justice. Vous allez maintenant entendre la lettre d'une des 31 personnes qui se sont évadées du centre fermé de Stenokerzel en juillet 98, juste avant la mort de Semira. Il s'agit du témoignage d'Oyinad, qui vient du Nigeria, le pays d'où venait Semira aussi. Ce texte a été recueilli dans un ouvrage, Les Barbelés de la Honte, édité par le collectif contre les expulsions, juste après cette évasion. Son titre est « J'étais le premier à sortir ». Je m'appelle Oyinad, j'ai 30 ans et je viens de Lagos, la capitale du Nigeria. Tu connais la situation au Nigeria. Ce sont les militaires qui dirigent le pays et ils le font de manière désastreuse. Mais si tu dis quelque chose contre eux, tu es enfermé et torturé. Beaucoup de gens disparaissent. Avec mon frère, on écoutait beaucoup Fela. On discutait des paroles de ses chansons et on était très d'accord avec ses critiques du régime. Il y a 5 ou 6 ans, quand Fela a de nouveau été emprisonné par les militaires, mon frère a décidé de quitter le pays. Moi, je suis restée pour m'occuper de notre grand-mère. Puis quand ma grand-mère est morte, j'ai pris le premier avion pour l'Europe. Je suis arrivée en Belgique en février, à Bruxelles, à l'aéroport. On m'a arrêtée et dit que mes papiers n'étaient pas en règle. Et alors, j'ai été conduite au camp de Stenokerzel. Au camp, j'ai rencontré des filles de mon pays, dont Precious et Semira. Nous sommes devenues amies. Un matin, ils sont venus chercher Semira pour la déporter. Mais elle ne s'est pas laissée faire. Ils l'ont donc ramenée et mise seule dans une cellule. On nous disait qu'elle avait été frappée. Ce même soir, il y a des Belges qui sont venus pour aider Semira. Les gardes du camp étaient très nerveux et ils nous ont dit de nous éloigner des fenêtres. Puis ils ont commencé à nous frapper. Nous nous sommes défendus et nous avons commencé à casser une vitre avec des tables et des chaises. La vitre s'est cassée. Et j'étais le premier à sortir. Un garde m'a barré le chemin et j'ai dû le bousculer. J'ai vu un autre garde avec un talkie-walkie qui voulait appeler la police. Je lui ai arraché le talkie-walkie des mains et je l'ai jeté aussi loin que je pouvais. Puis j'ai escaladé les grillages et quelqu'un m'a pris dans une voiture et m'a conduit à la ville pour me cacher. Maintenant, je vais enfin pouvoir essayer de retrouver mon frère et essayer de vivre tout simplement. C'était le témoignage d'Oyinad, qui vient du Nigeria, comme Semira. Et donc nous proposons maintenant d'écouter un morceau de musique, Freedom High Life. C'est une musique populaire qui marque les moments de l'effervescence qui a suivi l'indépendance du Nigeria en 1963. Ce qui fait écho avec les nombreuses manifestations qui se déroulent ces jours-ci au Nigeria pour protester contre les violences policières. This is Isiarinze and his music, playing your freedom highlight. Hip, hip, hurrah! Hip, hip, hurrah! Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom daddy. Freedom, freedom for mommy. Freedom, freedom for the poor. Freedom, freedom for the rich. Freedom, freedom for everyone. Freedom, hip hip hurrah. Freedom, hip hip hurrah. Freedom. Toujours l'émission Tronjana. Et on va continuer. Voilà. Ouais. Alors, on propose maintenant de revenir un peu sur ce que sont ces centres fermés. Donc, la détention administrative existe en Belgique depuis la création du premier centre en 1988. Ces centres naissent dans le contexte de resserrement sécuritaire des politiques migratoires à la suite de la fermeture des frontières en Europe à la fin des années 70. Dans ces centres de détention, qui sont gérés par l'Office des étrangers, sont relégués des personnes étrangères dont le seul motif à leur incarcération est de ne pas avoir de documents légaux pour séjourner en Belgique. Les centres fermés sont isolés et difficiles d'accès. Les personnes qui y sont détenues le sont des jours, voire des mois, dans l'attente que leur demande d'asile soit traitée. Le détenu ignore la durée de sa détention, ce qui suscite un fort sentiment d'injustice, d'angoisse pour les personnes qui y sont fermées. Cette dimension carcérale des centres a souvent été dénoncée par des associations qui alertaient sur des problématiques comme la difficulté d'accès à des soins indépendants et de qualité, l'impact médical et psychologique de la détention, ou encore la question des pressions et des violences vécues en détention. En effet, dans les centres, les services médicaux, sociaux et psychologiques sont assurés par le personnel administratif de l'Office des étrangers, qui est aussi engagé pour maintenir les étrangers dans les centres et les conditionner à accepter leur rapatriement. Donc en fait, l'institution qui soigne est également celle qui expulse. En 2017, il y a eu un master plan pour les centres fermés qui a été mis en place par Theo Franken, qui était alors secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration. Ce master plan prévoit l'augmentation du nombre de places en centres fermés, et l'objectif est de passer de plus ou moins 700 places à 1400 places en 4 ans, ce qui implique des extensions des centres existants pour l'instant, et la construction de nouveaux centres. Donc aux 5 centres qui existent déjà, il y a le 127 bis et le Caricol à Steenkerzeel, le centre de Bruges, le centre de Merksplaats, le centre de Wottem, viennent s'ajouter une nouvelle aile au centre de Merksplaats, qui a été ouverte en 2018, une annexe pour famille au 127 bis, aussi ouverte en 2018, un nouveau centre spécifiquement destiné aux femmes à Holzbeek, près de Louvain, qui a été ouvert lui en 2019, et encore deux autres centres, l'un à Zandvliet, près d'Anvers, et l'autre à Jumet, près de Charleroi, dont l'ouverture est prévue pour tous les deux, pour 2021. Alors on va maintenant entendre le témoignage d'une femme, Mado, qui a été détenue dans un de ces centres et qui témoigne de son arrestation. Je suis arrivée en Belgique en 2014, mais je partais en France. Ma destination n'était pas la Belgique. Donc j'ai fait l'escale à l'aéroport, à Zaventem. C'est après que j'ai eu des soucis avec mon passeport et donc on m'a amenée au centre fermé. Quand je suis arrivée au centre, il y a des gens aussi qui m'ont dit que non, moi, je partais en Allemagne, mais on m'a arrêtée ici. Les autres disaient non, moi, je partais aux États-Unis, on m'a arrêtée ici. Donc, c'était chacun avait son problème et c'était pas juste pour moi, mais ça arrivait à beaucoup de passagers. Je Quand je suis arrivée, je voulais acheter la carte SIM pour appeler. Il a commencé à m'expliquer tout doucement qu'ici, on est enfermé, on ne peut pas sortir. La personne qui était sur ton lit là, et on l'a amenée hier. Et l'autre ici, on l'a rapatriée la fois passée. C'est comme si c'est dans des urgences, quoi. Tu vois, on te dit que l'autre est décédé hier, l'autre elle est parti, l'autre il va mourir demain. Comme à l'hôpital, tu vois, quelqu'un est en train d'agoniser, de mourir, et toi, tu attends ton tour. Je te dis, lui, il va partir demain. Est-ce que moi, mon sort sera comment? J'ai commencé à pleurer. J'étais vraiment bouleversée de m'avoir retrouvée dans un endroit pareil. Et c'est comme ça que ma vie a commencé dans le centre. Bah, ouais. Donc, ouais, on est toujours dans la rubrique centre fermé, c'est ça? Ouais. Oui, donc on voulait vous faire un petit point sur la situation des centres fermés aussi aujourd'hui, dans la situation actuelle qui nous occupe, qui est celle du coronavirus, et de qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, aujourd'hui, les mesures du Covid restent d'application dans les centres fermés. Les détenus sont peu nombreux par rapport au nombre de places disponibles, parce que beaucoup ont été libérés au début du confinement. Mais par contre, les contacts entre eux sont limités. Et plusieurs témoignages des personnes enfermées indiquent également que le port du masque et la distanciation est rarement respecté par les personnes du centre. Donc malgré cette occupation restreinte dans les centres fermés, de nombreux témoignages confirment des vives tensions. Bagarres entre détenus, répression et racisme du personnel, intervention de police, mise au cachot, transfert dans d'autres centres ou dans d'autres ailes, souffrance, révolte. Et la très grande majorité des détenus actuels en centre fermé seront ce qu'on appelle des doubles peines. C'est des personnes qui sont envoyées en centre fermé après avoir purgé une peine de prison et à la place donc d'être libérées comme ils devraient l'être. Ce sont principalement des Marocains et des Algériens qui sont actuellement en centre fermé. La durée de l'enfermement devient aussi aujourd'hui extrêmement longue, jusqu'à un an pour certains, suite à une impossibilité d'expulsion vers plusieurs pays, tout ça lié au coronavirus, ce qui explique en partie la situation des tensions. La répression et les souffrances continuent donc dans les centres. On ne compte plus les mises au cachot, les tentatives de suicide, les transferts. Le jeu actuel est celui de la carotte pour calmer les tensions. Pour faire arrêter les grèves de la faim, éviter toutes les tentatives de révolte, les directeurs des centres font miroiter une libération prochaine. À ce sujet, on a d'ailleurs vu il y a quelques mois sortir, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps, une vidéo d'un centre fermé de Merxplas qui a été relayée par la RTBF. Dans celui-ci, on pouvait observer la nourriture avariée que les détenus reçoivent à manger, les douches dans les couloirs ou le matelas posé à même le sol. Des conditions de vie évidemment inhumaines, comme ce sera toujours le cas, quoi que l'on fasse, dans les centres fermés ou les prisons. On voulait aussi vous faire part d'une situation dont on a entendu parler qui concerne la Grande-Bretagne. Car la Grande-Bretagne a décidé de renvoyer par charter des migrants vers leur pays Dublin en Europe. Et s'active à le faire avant que le Brexit soit effectif au 1er janvier. Donc plusieurs charters ont déjà été organisés vers la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ces deux derniers mois. Et on nous annonce un charter vers la Belgique le 22 octobre 2020 qui déposerait des personnes, puis continuerait sa route vers l'Allemagne et la Roumanie pour en déposer d'autres. Les futurs expulsés sont triés par les administrations au centre fermé en Grande-Bretagne. Et ils ont été qualifiés de Dublin suite à des prises d'empreintes ou des demandes d'asile. Ils n'ont aucun accès avec l'extérieur et de ce fait sont privés de droit de s'opposer juridiquement à leur expulsion. Cette stratégie du Home Office nous semble faire partie du jeu politique entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Les migrants sont donc pris en otage avant le 1er janvier 2021, qui concerne le début du Brexit, où, sans accord, les renvois à Dublin ne seront plus d'actualité à ce moment-là avec la Grande-Bretagne. Donc maintenant, on va écouter la suite du témoignage de Mado qu'on vient d'entendre sur la question des conditions en tant que femme dans les centres fermés, et puis une manifestation qui a lieu juste à l'extérieur du nouveau centre qui a ouvert à Holzbeek. Il y avait des vitres, juste des vitres, on ne pouvait pas ouvrir. Et il y avait juste un trou, un petit trou qui sortait, peut-être de l'air ou quoi, je ne sais pas. C'est comme si c'est un ventilateur qui tourne. Moi, je me disais, on respirait comment? Et après, je me disais que peut-être c'est les trous qui font du bruit qui nous aident à respirer, choses comme ça. Ça tourne tout le temps dans la tête. Après, le bruit des portes aussi, parce qu'ils venaient, ils ouvraient brusquement les portes. Tout le temps avec les passes là, ils faisaient tout le temps, ils tapaient les portes. Parce que dans les chambres, vous pouvez être à 6 ou à 8. Il n'y avait pas d'intimité aussi entre nous et les gardiens. Des fois, ils faisaient pom, il est déjà entré dans la chambre. Ça nous arrivait que tu es en train de t'habiller, tu fais comme ça, tu te caches parce que la personne est déjà rentrée dans la chambre et puis fait. Bon, il fait comme s'il ne te voit pas, mais déjà, il est déjà entré dans la chambre. Et deux fois, nous, on se disait même que... Parce qu'il y avait des caméras partout. Même dans les chambres, tu voyais les caméras, tu dis, mais est-ce qu'on me voit? On me voit comment je m'habille? On me voit comment je fais ça? Souvent, par peur, j'étais obligée d'aller dans la toilette pour m'habiller là-bas. Des fois, je me disais, peut-être ici, je regardais, peut-être ici, il y a des caméras, on ne me voit pas. Donc, tu as cette peur tout le temps d'être... qu'une personne te voit. Donc, on faisait attention. Surtout quand tu es une femme, tu faisais attention qu'on te trouve peut-être sans habit ou bien quelque chose comme ça. Et on faisait tout le temps attention à ça. C'est la prison, c'est la galère, c'est pas du tout facile. On est là pour vous soutenir. Vous montrez la solidarité. Si vous voulez témoigner de ce qui se passe à l'intérieur du centre, vous pouvez appeler le numéro 0 4 6 5 2 4 2 4 3 On est fatigués! On est fatigués d'ici! On est fatigués! Violence policière! Arrestation abusive! On dépouille de nos biens, de notre argent au commissariat! Et on nous transporte au centre illégal! Sans aucun droit! Et ce n'est pas de droit, soi-disant! Mais le droit est inexistant! On veut juste des droits de l'homme! Vous savez ce que c'est? C'est donner aux gens le pouvoir d'accéder à un pays! Avec des papiers pour pouvoir apporter un avenir à nos enfants. Et eux, ils ne le font pas. Et il y a des violences policières à l'aéroport, des femmes étouffées, des femmes à qui on arrache le voile parce qu'elles sont musulmanes, des femmes à qui on arrache leur soutien parce qu'elles sont femmes. Et on les étouffe. On s'assoit sur leur tête et leur nuque. C'est pas normal! Découvrons-nous des milliers à vous. reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. À vous, femmes enfermées, vous n'êtes pas oubliées. Debout, debout, debout. Donc, là, on vient de vous faire écouter donc le témoignage de Mado à l'intérieur du centre fermé où elle était, et également un rassemblement qui a eu lieu devant le centre fermé de Holzbeek, qui a ouvert en 2018 et qui est un centre spécifiquement destiné aux femmes. Et donc, on avait envie de vous faire un petit point sur cette question de l'enfermement des femmes et de l'évolution de la gestion, entre guillemets, des femmes en centre fermé en Belgique. Donc, avec Anvers et Jumet, Holzbeek est le troisième centre prévu par le master plan qui a été approuvé par le Conseil des ministres en mai 2017 et qui prévoit de doubler la capacité de détention dans le pays en 2022. Jusqu'en 1995, les femmes et les hommes étaient détenus au centre fermé de 127 bis et au Caricol, qui sont les deux centres qui sont à côté de l'aéroport de Zaventem. En 1995, le centre fermé de Bruges a ouvert ses portes et est le seul établissement qui comprend à l'époque une aile exclusivement destinée aux femmes. À la même époque, les personnes migrantes continuent à arriver en Belgique et ce mouvement s'accompagne de nouveaux enjeux, dont celui de la question de la féminisation des migrations. En 2018, un cinquième des détenus en centre fermé étaient des femmes. Et c'est ainsi, dans ce contexte, que le centre fermé pour femmes a ouvert à Holzbeek en mai 2019. Le collectif Getting the Voice Out, qui récolte et diffuse des témoignages des personnes migrantes détenues, a eu accès à des témoignages de femmes détenues au centre fermé pour femmes de Holzbeek, et notamment et depuis la période du confinement. Le constat est que les violences s'empirent dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Les violences psychologiques liées à l'isolement sont exacerbées, et le corps médical du centre, sous couvert des mesures de distanciation, délaisse ces femmes qui racontent traverser une fausse couche, une grossesse extra-utérine, des infections gynécologiques, et tout ça sans aucun accompagnement médical. Sous couvert donc d'une politique d'humanisation plus juste et plus attentive à la situation des femmes, on voit bien que cette mesure occulte les rapports de pouvoir et contribue à rendre acceptable la criminalisation des personnes migrantes. Toujours soif, n'est-ce pas? Malgré tous ces déserts qu'on nous balance à la gueule. Le spectacle commence sur un fil, et puis il est un paysage miné. À 7 minutes, nous sommes des funambules demain. Peu importe si on garde le fil, il est rupture, il est fondement. J'ai le vertige, tu danses. Peur de tomber au milieu des flammes, tu danses. Avec toi un jet sur le pavé, tu danses. Il faudrait danser sur nos ombres dans l'absurde nécessité d'être sans passer à côté de son cri. Le cri peut venir d'une autre voix, d'une autre meute, d'une autre solitude. Thank you. Elle n'existe pas, Mona. Elle est un cri de guerre conjugué au féminin. Elle est une écorce brûlée sous les bombardements fratricides. Elle est une mère des disparus à même l'amour sanguin. Elle est ta bouche, clouée à la peur, l'ineffable visage d'un génocide. Elle est une folle, une putain, une salope, une taularde, une chômeuse, une camée. Elle est un type à part, entre deux tirs groupés. Elle est une brebis égarée, aux aguets des foudres ou une gitane. Elle est 14 millions de morceaux de femmes. Elle est mémoire vaincue, colline, forêt, montagne. Elle est avalanche de doutes, nécessité de rire affamé. Tout ce que tu redoutes, ta sensibilité avalée. Elle est rage, poudre, sang, drame, ton cœur irradié 100 fois. Elle est ta gueule blafarde sous les néons multicolores et les miroirs. Elle est ta peau maquillée de puces digitales. Elle est mauvaise herbe vomissant les trottoirs. Les exhortations chirurgicales à l'ordre social. Elle est une lèvre bleue vociférant les foules accélérées. Elle est une grande fête ensorcelée. Elle est une insulte échouée dans les filets de l'institution démocratique. Un jeune sur une rue buté par 3 flics. Elle est tremblement de visage en hôpital psychiatrique. Elle est un quartier détruit sous les temples des technocrates. L'abondance servile et ses foutues matraques. Elle est une poésie morte sur un parking jonché de seringues. Un rêve noué dans une corde de sa plainte. Elle est des noms multiples balafrant les nations et leurs frontières. Les braises de 107 papiers destinés à ton cul que te réclament les allocations policières. Histoire clandestine, tendre, brutale, ivre. Elle est dans les ventres, elle te prend à la chair, sans partition. Elle frappe la terre rouge de ses pieds nomades, les yeux dressés vers les étoiles, les sonorités logées au cœur de nos étrangetés. Une académie phonétique des sons, innommables oiseaux migrateurs, des mains, pieuvres lumineuses. Elle danse, accrochée aux histoires vaincues, sans aucun certificat d'identité. Elle est une énigme, illuminée par les bûchers. Racisme d'État, racisme d'État. la liberté, l'égalité, l'égalité, la dignité, la dignité, solidarité, solidarité. Y'en a marre de marcher, donnez-nous les papiers. Y'en a marre de crier, donnez-nous les papiers. Y'en a marre de marcher. Allez. Bonjour. Nous sommes venus aujourd'hui, malgré tous les risques, pour faire un cri à l'humanité entière. Un cri à la justice. Nous voulons dire qu'on est en train de souffrir ici, dans ce pays. Hommes, femmes, enfants, nous mourons à petit feu. Ce que nous réclamons, c'est une reconnaissance de l'État belge de notre existence ici depuis des années. La régularisation des sans-papiers dans la situation actuelle est nécessaire et urgente. Nous demandons aussi la libération des détenus dans les centres fermés et leur régularisation. On est des citoyens et on revendique nos droits. On en a marre d'être considérés comme des inconnus étrangers non désirés. Abandonnés par ce système, nous lançons aujourd'hui ce cri de l'injustice qui nous tue. Justice, liberté, papier pour tous! Ben voilà, toujours l'émission et avec Gaëtine Voisot et on va commencer une nouvelle rubrique qui parle de du racisme structurel. Mais juste pour revenir sur le morceau de musique qu'on a entendu, donc c'était le morceau Mona de Recital Boxon. Merci Recital Boxon. Ouais. Et pour l'extrait qu'on vient d'entendre, donc c'était l'écho d'une manifestation de sans-papiers en mai 2020 devant la Tour des Finances qui exigeait une régularisation en urgence des sans-papiers en plein pendant le confinement. Et juste avant cette manifestation, on a pu entendre aussi des chants, des slogans de personnes sans-papiers devant le centre fermé de Steenhuizenzijl. Et on pouvait y entendre effectivement « Racisme d'État, il y en a marre ». Alors ça nous permet de faire lien avec le mouvement Black Lives Matter, qui a pris une ampleur historique suite au meurtre de George Floyd par la police le 25 mai 2020 aux États-Unis. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu la manifestation du 7 juin 2020 à Bruxelles, qui a rassemblé plus de 10 000 personnes pour protester contre les violences policières et plus largement contre les injustices raciales. Ces mobilisations, elles ont remis au cœur du débat public la question du racisme structurel et sa continuité avec les préjudices nés du passé colonial. Elles soulignent la nécessité de reconnaître la responsabilité de l'État belge dans les crimes et les exactions commis dans le passé. Alors ça nous permet de faire un lien ici, d'expliquer dans quel contexte a été mis en place au niveau parlementaire une commission, Vérité spéciale, Vérité sur le passé colonial, qui est chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique au Congo. Alors cette commission a été donc mise en place juste après le mouvement Black Lives Matter et connaît de nombreuses critiques parce qu'elle a été mise en place dans l'urgence, parce que la nomination de ses membres, de ses experts porte question et surtout... parce que pour l'instant, elle n'a pas encore défini ses objectifs et qu'effectivement, mettre en place une telle commission, si ce n'est pour reconnaître les crimes qui ont été commis par le passé, n'a pas de sens. Alors pour l'instant, cette commission est dans une période préliminaire et donc elle doit remettre un premier rapport en décembre, un rapport préliminaire dans lequel elle va définir ses objectifs justement. Alors dans ce cadre-là, elle a envoyé une demande de consultance à certaines personnes en Belgique en soumettant un questionnaire et elle souligne certaines questions qui mettent un peu mal à l'aise dans ce questionnaire. Une de ces questions est de savoir, et je cite le questionnaire de la Commission, s'il existe un lien entre racisme et colonialisme. Alors que les mécanismes de continuation coloniale qui traversent notre société est une évidence de fait, et explique la mise en place de cette commission, c'est curieux que celle-ci déploie une investigation pour arriver à répondre à cette question. Donc ça témoigne aussi de la mainmise d'un monde politique blanc au fondement même de cette commission. Alors j'ai envie de clôturer juste en citant Mireille Fanon, qui est militante et présidente de la Fondation Frantz Fanon, qui est intervenue récemment lors d'un colloque organisé à Bruxelles par le CADTM. Et elle rappelait, à propos notamment de cette commission et de la politique plus générale de réparation, qu'une véritable politique de réparation, c'est une politique qui lutte contre le racisme systémique. La police, elle a chassé sur l'autoroute, comme si les gars ils venaient de commettre un braquage, la porte nationale. Il y avait une camionnette avec 30 personnes dedans. Leur crime, ce qu'ils ont braqué, ils n'ont rien braqué, ils n'ont rien volé, ils n'ont rien menacé. Leur seul crime, c'est qu'ils n'avaient pas de papier. Ici, parmi nous, dans le quartier, il y en a plein qui n'ont pas de papier. Ici, parmi nous, dans nos familles, il y en a plein qui ont un membre de la famille qui n'a pas de papier. Aujourd'hui, la police, il y a le gouvernement, il permet qu'on peut tirer dessus. Si on peut tirer sur une fille de 18 mois, si on peut tirer sur une fille de 18 mois, les frères, ça veut dire qu'on peut tirer sur n'importe qui de vous. Si on laisse faire ça, mes frères, si on laisse la police tirer sur des enfants de 18 mois, demain, ils vont tirer sur vos mères, ou sur vos sœurs, ou peut-être sur vous-même. Ils vont tirer sur vos enfants. Ils vont tirer sur vos enfants parce qu'ils auront couru. Ils vont tirer sur des enfants juste parce qu'ils courent. Aujourd'hui, quand on voit la police, on court, on s'enfuit, on a peur. Alors voilà pourquoi on est là. On va vous demander, s'il vous plaît, les frangins. On a tous de la famille, des amis, des connaissances sans papier. Il faut arrêter ce bordel. Donc voilà, ce qu'on entendait là, c'était un extrait de la marche au flambeau qui a été organisée suite à la mort de Maouda Chaouri, une enfant de kurde de 2 ans, qui est morte d'une balle dans la tête tirée par un policier le 17 mai 2018. Donc on avait, voilà, il nous semblait important là de faire le lien avec la question des violences policières. Et donc de revenir sur Maouda déjà, et puis sur les autres qui ont suivi. On aurait pu revenir plus loin, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant, mais on a réduit à déjà à cela pour vous parler de cette question. Donc Maouda, c'était une petite fille qui est née en Allemagne de parents fuyant le Kurdistan irakien et qui voulait rejoindre l'Angleterre. Et elle a été tuée par la police belge sur l'autoroute. Alors qu'elle était dans une camionnette avec ses parents et son frère, une camionnette qui transportait des migrants et qui se trouvait près de Mons. Tout ça a eu lieu dans le cadre de l'opération Médusa, dont le but était clairement de faire du chiffre en interpellant un maximum de migrants, tout en prétendant lutter contre la traite des êtres humains. Donc on connaît leur lexique. Donc l'acte volontaire de tir de la part du policier ne fait évidemment aucun doute. Il a armé son arme, il a visé, il a tiré. Il n'avait probablement pas d'intention de tuer, mais il savait qu'il prenait un risque conséquent et il doit être poursuivi pour cet acte volontaire. Il y a eu un meurtre d'État et il faut que le tribunal condamne ce policier. On ne peut pas accepter qu'un message passe, qu'il n'y a pas, que c'est pas grave, en fait, simplement de tirer sur un ou une migrante. Et c'est évidemment tout le problème de fond. C'est pas d'incriminer individuellement ce policier, mais c'est quel message on fait passer si on l'incrimine pas. Donc le procès des trois hommes impliqués dans la mort de la petite Maouda, c'est-à-dire le policier, auteur du tir, le chauffeur et le dénommé passeur, est officiellement fixé le 23 et le 24 novembre 2020. Donc c'est le mois prochain, devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut. Et dans le cadre du procès, il y a une série d'événements qui sont prévus pour soutenir la famille entre le vendredi 20 et le dimanche 22 novembre. Il se termine par une manifestation le 22 novembre qui est prévue à 14h à Mons. On peut trouver toutes les informations sur cet événement sur le site justicepourmaouda.be ou sur la page Facebook Comité Maouda-Justice et Vérité. Voilà, donc il y a Maouda. Il y a eu aussi Lamine Bangoura qui a été tuée lors d'une intervention de la police pour une expulsion domiciliaire une dizaine de jours avant Maouda, justement le 7 mai 2018. Il avait 27 ans. Ce 10 novembre, prochainement, à 14h30 à Gand, il y a une audience importante en chambre des mises en accusation qui est prévue. Se décidera à ce moment-là si oui ou non il y a comparution des 8 policiers devant le tribunal correctionnel. Il y a aussi Mehdi Bouda qui a été tué par la police, percuté par une patrouille en voiture le 20 août 2019. Il avait 17 ans. La décision de justice vient de tomber et n'inculpe pas les policiers. Il y a aussi Adil, qui a trouvé la mort le 10 avril 2020, pendant le confinement. Il était sur son scooter et il a été percuté de plein fouet par un véhicule de la police, qui lui barrait la route. Adil aurait eu 20 ans il y a quelques jours, le 18 octobre 2020. Ses proches continuent à exiger inlassablement la vérité et la justice sur cette affaire. Ce qui se passe, c'est que dans tous les cas cités, le problème est toujours celui du recours illégitime à la force et l'impunité des violences commises par la police. Semira, Maouda, Lamine, Mehdi, Adil, ils ont tous été tués par la police, mais pour eux, aucun justice n'a été faite. L'État belge et sa justice cherchent toujours à couvrir ses gardiens de l'ordre en minimisant la faute des policiers, en occultant leur responsabilité, la responsabilité des policiers, mais aussi de ceux qui leur donnent des ordres, puis couvrent les conséquences. Plus encore, pour y arriver, ils accusent et responsabilisent les victimes, accusés de fauteurs de troubles, de racailles, de passeurs, de sauvages, de prostituées. Tous les prétextes sont bons pour justifier des actes pourtant injustifiables. En effet, comment est-ce qu'on peut justifier une balle dans la tête d'une enfant de 2 ans ? Comment ? La question de fond est celle d'un racisme d'État, structurel, systémique, peu importe comment on l'appelle, qui autorise, légitime la violence à l'égard des personnes racisées et qui, dans les faits, laisse entendre que les policiers peuvent tuer ces personnes sans jamais être condamnés. On peut imaginer que si Adil et Maouda s'étaient appelés Charles ou Marie, l'histoire aurait été bien différente. Ce même racisme qui fait que les personnes racisées subissent des contrôles policiers à répétition, des contrôles que moi, femme blanche, j'ai jamais vécu. Ce même racisme aussi qui induit que les personnes racisées sont surreprésentées dans les prisons, et ne parlons même pas des centres fermés. « Je suis un zombie parmi les humains perdus, ou un humain parmi les zombies, je sais plus, vicissitude. Ici les gens intelligents sont pleins de doutes, les cons, eux, sont pleins de certitudes. Le roi est nu, avoir peur de clam, c'est du terrorisme à chaque coin de rue. La vérité sort parfois de la bouche d'une statistique. T'as 7 fois plus de chances de finir sous la balle d'un flic perdu. Éclaté sur une paroi, ajoute 20 fois plus si t'as la gueule de l'emploi. Une psychose qui s'accélère, et tout le monde s'en fout quand un psychopathe a les codes nucléaires. S'ils sont prêts à renoncer à leur liberté pour plus de sécurité, faute c'est qu'ils ne méritent ni l'un ni l'autre. Les épaules se haussent et du riz des hommes qui maudissent les conséquences dont ils chérissent les causes. Le droit c'est de la subjectivité, vit dans un globe humain, est devenu bout de papier. Ça me hante, dessine-moi un pays, un coussin pressé, 11 minutes sur le visage d'une femme qui chante. Dessine-moi un pays croulant, une balle qui s'est logée dans le visage innocent d'une fillette de 2 ans, flétrie. Pour certains, la seule chose qui s'est perdue ce jour-là, c'est leur sens de l'empathie. J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, un battement de cœur, un battement de cœur. Dessine-moi un pays, là on laisse dormir de nuit une mère avec le sang de sa fille, transposé dans un film d'épouvante. Les migrants sont devenus des cimes mouvantes. Le deuil aurait dû laisser place à un silence gênant. Même ma télé ose dire que c'est la faute aux parents. Entends-tu les nimes offenses? Ils n'ont même plus le minimum. Du minimum de la décence, c'est le prime time quand il dégueule. Et même la pire ordure, c'est parfois quand elle doit fermer sa gueule. Mais là, c'était sûrement trop leur demander. À leurs yeux, qu'est-ce que valent nos vies de bas années? Dans quel foutu cauchemar, dans quel abîme? Rêver d'un monde meilleur est un crime. Et qui peut reprocher à une mère de vouloir fuir la guerre pour ses gosses? Qu'ils se montrent et jettent la première pierre, rageurs comme un ulcère. Curieusement vous mettez plus de cœur à leur faire la guerre. Le cynisme sous perfusion, quand ils s'en servent d'épouvantail pour gagner les élections. Pour bombarder leur pays, les milliards tombent, ils courent. Mais pour leur tendre la main, y'a pas l'ombre d'un euro, ouais. Je sais pas ce qui est le plus choquant dans ce pays, le meurtre d'une fillette ou le silence qui en a suivi. Mahouda, ce mirage décline, une mesure de silence mais jamais silencieux quand la police assassine. Ouais, j'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, un battement de cœur. Bah ouais, c'est, je sais pas c'était ouais. Quelle chanson. Bah oui, c'était Battement de cœur de Code Rouge qui a été écrit par un rappeur bruxellois. Car lui-même, le comité Justice et Vérité pour Mahouda et la Nouvelle Voix Anticoloniale lançaient à un moment un appel aux dons pour permettre à la famille de rétribuer le travail des avocats. Voilà. Alors comment est-ce que les politiques entendent tous ces témoignages, tous ces récits, toutes ces violences policières? Alors on propose une petite analyse de la politique belge et européenne actuelle. Et c'est malheureusement pas très réjouissant. Alors en février 2018, le gouvernement Michel, qui est sous le feu des critiques à cause de l'expulsion de ressortissants soudanais avec le concours des autorités soudanaises, sans prendre en compte le danger pour les Soudanais d'être envoyés là-bas, danger de torture, etc. Donc, sous le feu de ces critiques-là, il y a une commission d'experts qui est mise en place pour évaluer la politique des retours forcés et volontaires menée par la Belgique. Cette commission, présidée par Mac Bossuyt, qui était l'ancien commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, a présenté un rapport final là maintenant, septembre 2020, qui propose des recommandations en la matière. Alors, ce rapport a ramené le débat sur les visites domiciliaires. Hein. Il faut rappeler qu'actuellement, si la police se présente chez un étranger en situation irrégulière, elle ne peut pas y pénétrer sans son accord. Le projet de loi sur les visites domiciliaires devait permettre de lever cette impossibilité pour faciliter leur expulsion. Donc, le rapport de la commission ramène le débat sur les visites domiciliaires. Et le rapport recommande aussi de réenfermer les enfants en centre fermé, ce qui favoriserait, selon le rapport, une meilleure exécution d'une politique de retour. Alors, on peut rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme a à plusieurs reprises jugé que le placement d'enfants dans des centres fermés constitue un traitement inhumain et dégradant, étant donné la vulnérabilité spécifique des enfants, mais que, évidemment, la détention en centre fermé est un traitement inhumain et dégradant pour n'importe qui, enfant ou adulte. Alors, l'accord de gouvernement, comment est-ce qu'il a réagi à cette commission ? Il est revenu sur les recommandations de cette commission sur l'enfermement des mineurs et les visites domiciliaires, mais il maintient le master plan des centres fermés qui prévoit l'augmentation des places en centres fermés et donc la création de ces deux nouveaux centres dont on a déjà parlé à Jumet et à Zemblitz. Par ailleurs, dans l'accord de gouvernement qui vient de sortir, il n'y a rien, il n'y a aucune mesure pour une régularisation des personnes sans papier. Et donc si l'accent est mis sur des alternatives et la limitation de détention au centre fermé, la politique est toujours et davantage axée sur le retour plutôt que sur l'accueil pour celles et ceux qui n'auraient pas le droit à l'asile. Et maintenant, au niveau européen. Donc oui, dans la foulée de la commission Bossuyt dont on vient de vous parler, il y a le nouveau pacte migratoire qui est sorti quasi en même temps, donc le 23 septembre 2020. Et la nouvelle commission européenne a présenté donc, dans les grandes lignes l'orientation de sa politique migratoire. Et ce nouveau pacte repose sur des propositions législatives et des recommandations, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas contraignantes. Donc ça veut dire que chaque État fait un peu ce qu'il veut avec ses recommandations. Déjà, c'est déjà à prendre en compte dans ce qu'on va vous dire pour la suite. Et donc les priorités de ce nouveau pacte sont les suivantes, sont nommées comme telles. Donc freiner les arrivées par l'usage systématique de l'enfermement aux frontières, limiter l'accueil par le tri des personnes et augmenter les retours. Donc en gros, c'est pas très joyeux. La proposition de mettre en place un mécanisme solidaire européen contraignant à la place du règlement Dublin a beaucoup fait parler. Mais en fait, ce changement annoncé est juste au niveau de son nom. Parce que en fait, les premiers pays d'entrée resteront responsables des nouveaux arrivés. Et la Commission reprend le critère du premier pays d'entrée dans l'Union européenne pour déterminer le pays responsable du traitement de la demande d'asile. Donc en fait, ça, dans les faits, ça ne change absolument rien. Et tout en rappelant aussi que ce n'est pas contraignant. Donc finalement, les États ne sont pas obligés d'en tenir compte. De plus, le mécanisme solidaire européen annoncé est couplé au retour et non à l'accueil. Ça veut dire que les États qui ne veulent pas accueillir de migrants peuvent choisir, à la place de, entre guillemets, parrainer leur retour ou de fournir un soutien opérationnel aux États en difficulté. Donc la solidarité n'est pas envisagée pour l'accueil et c'est bien plus le renvoi des migrants qui est considéré. De plus, la répartition solidaire de l'accueil n'est pas permanente et donc ne sera actionné qu'en cas d'afflux massif, comme ils disent, aux frontières d'un État membre. Il n'y a donc aucun mécanisme solidaire du système d'accueil de qualité et de protection plus unifié au sein de l'Union européenne. Par ailleurs, si le pacte évoque la mise en place d'un mécanisme de surveillance des droits humains aux frontières extérieures par la Commission et l'Agence européenne FRA, Agency for Fundamental Rights, l'Agence des droits de l'Union européenne, il n'est pas encore suffisamment clair si les propositions de la Commission peuvent effectivement traiter et sanctionner, notamment les refoulements qui posent problème dans une série d'États membres. Et donc, si le pacte s'intéresse à la criminalisation aussi des ONG, de sauvetage et des citoyens qui fournissent une aide humanitaire aux migrants, bah en fait, voilà, on en revient au début. En fait, ce sont que des propositions et c'est absolument pas contraignant. Donc, les États font toujours ce qu'ils veulent avec ces propositions. Et ils sont déjà en train de le faire parce que il y a plein d'ONG maintenant autour de Lesbos, Sea-Watch, Alarm Phone et tout ça qui sont de nouveau accusés, criminalisés. Et c'est vrai qu'ils sont en train de construire en vitesse des centres fermés maintenant à Lesbos et Samos. Et c'est au lieu d'être un centre accueil ouvert, c'est empire. Ouais. Non, c'est une catastrophe, complètement. Ouais, et donc voilà, donc en gros, depuis les années 2000, l'externalisation de la gestion des questions migratoires a montré, on le sait, son inefficacité. Il suffit de regarder justement ce qui s'est passé, comme tu le dis, à Lesbos, de rappeler les milliers de morts en Méditerranée, le coût des contrôles, de la détention, de l'expulsion. On sait que ça ne fonctionne pas. Et voilà, au lendemain de l'incendie du camp de Moria, le symbole de l'échec. Enfin, on est face au symbole de l'échec en fait de ces politiques migratoires de l'Union européenne. Mais l'Union européenne s'enfonce dans ce déni. Et voilà, on en est là. Le temps de la peur est terminé. J'ai brûlé mes papiers, comme si j'étais sans trace, comme si j'étais sans race. Je me lave de toute votre paperasse. Il paraît que l'homme blanc sent le cadavre, alors j'ai brûlé mes papiers. Si j'étais un oiseau, je serais déjà loin. Si j'étais un bruit, je serais un vrombissement sourd, une vibration de chaleur englobante. Je viens d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, je suis d'ici. En déni de ce qui me précède, je m'en vais reconstruire. Alors dors, petite, dors. Moi, je m'en vais. Il paraît que l'homme blanc sent le cadavre. Alors j'ai brûlé mes papiers. She flowers every day. There's graves riddled with her teeth. She misses the warmth of human hands. Ben, on arrive à la fin de l'émission. Je voulais vraiment remercier pour tout ce contenu super complète. On a commencé par l'histoire et on finit avec plein de l'actualité sur la politique migratoire. Mais je voulais quand même vous encourager, vous remercier aussi pour le boulot que fait les collectifs autonomes comme Getting the Voice Out pour quand même faire sortir les voix dans les centres fermés, pour parler des luttes à l'intérieur, pour même donner des soutiens juridiques et tout ça qui fait quand même qu'il y a des gens qui arrivent à être libérés. Voilà, juste pour être présent et pour quand même bousculer un peu le système quand même un peu, que vous êtes là et machin, et voilà, et aussi tous les soutiens qui se font devant les centres fermés, c'est super important qu'il y ait quand même un soutien de présence aussi et tout ça, et aussi comme à l'Armphone, tu vois, même qu'ils font un boulot énorme, tout ça, et même qu'ils sont menacés maintenant ou accusés, ils continuent leur lutte et ils disent il faut qu'on le fasse, qu'on continue. Ils sauvent quand même plein de il y a plein de gens qui sont sauvés quand même dans la mer à cause de leur combat. Donc voilà. Donc je vous laisse encore vous dire comment les gens peuvent contacter Getting the Voice Out et comment vous soutenir et agrandir quand même la lutte, parce que voilà, il faut apparemment plus rien attendre. De la politique. Ouais, voilà, c'est ce qu'on se disait là. C'est un peu désespérant comme message, et en même temps, clairement, c'est un message clair. C'est que il faut qu'on arrête d'attendre des choses des commissions, des politiques, et que ça nous rappelle encore une fois que si on veut que ça bouge, il faut qu'on se bouge. Et donc oui, on peut. Donc Getting a un site internet. Donc c'est www.gettingthevoiceout.org, où là vous avez toutes les informations sur ce qui sort des centres fermés, des témoignages audio ou des témoignages retranscrits, et de l'actualité de Belgique et parfois même d'en dehors, de ce qu'on a comme information d'autres pays, de ce qui se passe. Et il y a un numéro de téléphone, donc là qui concerne plus spécifiquement les personnes qui sont enfermées et qui auraient envie de communiquer avec Getting pour témoigner ou pour avoir des informations sur leur situation ou des soutiens ou besoin de contact. Donc ça, c'est le 0484 02 67 81, et on a justement une permanence demain entre 18 et 20 heures, donc ça peut être un moment pour appeler aussi. Voilà, donc ça c'est pour Getting. Ouais. Donc on va dire la lutte continue. Pour être informé, je pense qu'il y a une manière aussi, de temps en temps un peu on s'écrève, parce que pour faire les soutiens sans te fermer, il y a quand même aussi la criminalisation et tout ça. Et donc il y a des choses qui se passent un peu plus. Bouge à oreille. Et tout ça. Mais donc, ça continue. Et heureusement, tu vois, même en Belgique, on a quand même eu une continuation quand même, des collectifs qui se luttent contre les centres fermés. Et voilà. Et je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de temps pour faire l'agenda. Mais l'agenda, on a déjà en parlé beaucoup. C'est beaucoup le Coucou Pissant, le festival Coucou Pissant. Donc si tu regardes bxlindimedia.org, tu vois plein de choses qui sont de Coucou Pissant, et leur site c'est festivalcoucoupissant.be. Il faut bien regarder, parce qu'il y a aussi des choses qui viennent de temps en temps s'annuler à cause de récentes augmentations Covid apparemment, et les mesures. Mais il y en a qui restent quand même. Voilà. C'est la lutte autonome, c'est les lieux autonomes, c'est tout ça qui bouge, heureusement. Encore. Il y a demain un ciné-club chez Nast Monique, et ça c'est à 20h30. Ça commence demain. C'est aussi dans le cadre de Coucou Pissant. Autre chose que Coucou Pissant, c'est plutôt ça, mais je voyais quand même qu'il y a aussi quelque chose le lundi le 26 octobre, là il y a 17h, un rassemblement de soutien à Julien d'Assange, et ça se passe Place de la Monnaie, et alors il y a je voulais ça aussi parler encore Il y a autre chose qui est organisée apparemment par aussi dans le cadre de Coucou Pisson, mais c'est le jeudi, le... Ouais, c'est plus tard déjà, c'est le 29 octobre. Ouais, ça parle un peu de anti-défense et antifascisme, parce que c'est vrai, avec la montée de l'extrême droite en Belgique et tout ça, il faut aussi en parler, il faut aussi lutter. Et donc, c'est à la Bougie, si je ne me trompe pas, à 17h jusqu'à 20h. Et alors, il y avait quelque chose que j'avais vu, mais c'est aussi plus tard, mais apparemment la Ligue des droits humains. Et Zine TV organise aussi des ateliers de formation sur la migration. Mais voilà, je ne retrouve pas direct. C'est aussi normalement Nicole qui fait l'agenda et moi je me perds à chaque fois. Là, ici, bon, maintenant, voilà, ça ne marche plus. Ok, mais on ne voulait pas oublier, il y a aussi le film de Semira, non ? On a un peu oublié d'en parler. Je m'y colle. Oui, donc il y a le film À l'usage des vivants qui revient sur l'histoire et sur l'assassinat de Semira Adamou et qui fait lien avec l'actualité des centres fermés aussi, qui sera projeté le 21 novembre à Mons, à 16h, dans le cadre des événements qui sont organisés justement pour Maouda, et en soutien au procès qui va se dérouler à ce moment-là. Et alors, il y a un documentaire, Alors corps défendant, qui revient sur les conditions de détention et d'expulsion des personnes sans papier aujourd'hui en Belgique, qui sera en écoute publique au Jacques Franck le 9 décembre 2020. C'est un documentaire radio, donc c'est uniquement du son. Et donc ça, c'est le 9 décembre au Jacques Franck, et il faut réserver. Ouais, voilà. Ok. Toutes ces infos-là, on peut le trouver aussi sur... Ils ont des sites de Facebook. Oui, je pense que pour le 9 décembre, sur le site du Jacques Franck, et pour le 21 novembre, je pense que sur les sites que j'ai mentionnés plus tôt, Justice pour Maouda, et sur la page Facebook de Justice pour Maouda, il y a les liens. Et juste pour préciser, pour revenir sur le dernier morceau qu'on a entendu, c'était d'Alva, et donc c'est un blues expérimental qui rappelle la force des chants des travailleurs pendant la ségrégation aux États-Unis. Ouais, ça va vraiment être tout complet. Bon, merci beaucoup. C'est la fin de l'émission et vous avez vraiment fait un super boulot. Et si tout le monde vient comme ça, tout le collectif qui vient encore à la radio, ça reste génial. Merci à vous, c'était chouette d'être là.